ولما كان قتل ذرية سفاهة في الشخص وقتل لشجرته وأوراقه نهى الله عن قتل الأولاد وذكر الفقر هنا لأنه أغلب الأسباب للقتل في الجاهلية. Il a dit ensuite, comme le fait de tuer son enfant est un acte stupide de la part de la personne, et cela amène à ce qu'il coupe son arbre, et ainsi que ses feuilles, car c'est lui les racines. Les racines, qu'est-ce qui vient après les racines? Le tronc, les branches, les feuilles. Et lui, il coupe. C'est ensuite, tes enfants sont ta généalogie, ta descendance. Tu vois? Plutôt ta descendance, généalogie, c'est ce que tu es avant toi. Donc Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire cela. Wa dhakara al-faqr huna linu aghlab al-asbab. Et Allah, il a cité, c'est quoi la cause qui font que les gens ne veulent pas d'enfants aujourd'hui? Ou tahdil al-nasl, on a le contrôle de naissance. C'est quoi la chose? C'est quoi la raison principale? La peur de ne pas avoir de quoi le nourrir. C'est ça, la pauvreté. Qala ta'ala, wa la taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu nazukukum wa iyyahum. Ne tuez pas vos enfants par preuve de pauvreté. Nous vous octroyons la subsistance à vous ainsi qu'à eux. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous octroyons leur subsistance ainsi qu'à vous. Et là, il a commencé par en premier. Pourquoi? Car le fait de nuire à l'enfant, même à Olek, les parents vont être nourris également. Car les parents seront la cause pour que l'enfant soit nourri. Et même également, si les parents venaient à mourir, l'enfant sera nourri. Allah m'a donné son esprit. Donc, il n'y a pas de lieu d'avoir peur. Et le chef à l'autre, je vais le citer plus tard. Ce que les gens font, Mussalem, utiliser les moyens de contraception pour ne pas avoir d'enfant, pour des raisons illégitimes. Car par exemple, si c'est une raison de santé, c'est permis. La femme a des préjudices à accoucher souvent, ou des grossesses, n'arme. Mais sinon, si c'est par peur de ne pas avoir des enfants, d'avoir des enfants plutôt, « Aza ma yassur, aza min amal jahiliya » La pilule, ou le préservatif pour cela, ou autre. Illa al-azl. Il n'y a que le azl qui est autorisé en religion. C'est le fait qu'on appelle l'éjaculation externe. Le fait d'éjaculer à l'extérieur du vagin. Ça, ça a été permis. Les sahabas le faisaient. Qalou kuna na'zalu wa al-Qur'an yanzil. On le faisait, le Qur'an descendait. Ça veut dire que si ça avait été haram, Allah l'aurait déclaré dans son livre. Donc c'est permis. Tu vois? Et il y a un sahabi qui est venu voir son nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, j'ai une servante et j'ai peur qu'elle soit enceinte de moi. Donc, azel. Allah, il ne lui a pas interdit, mais il a dit qu'il se produira ce que Allah l'a qaddar. Malgré que tu fasses le azel, si Allah veut, elle sera enceinte. Et c'est arrivé comme le Nabi Salam l'a dit, il est revenu, il a dit, elle est tombée enceinte. On peut dire qu'Allah qaddar les choses. Tu as beau faire les azel, si elle veut que tu aies un enfant, tu en auras un. Si tu veux que tu aies des quintuplés, tu auras des quintuplés en même temps. Et tu devras t'occuper d'eux et Allah va te donner les moyens de t'occuper d'eux. Mais les gens, ils ont peur. وهذا جاء في حديث كذلك كنا قريب tout à l'heure حديث ابن مسعود انما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعظم ذنب كيلو بيير دي بيشي قال ان تشرك بالله او ان تجعل لله ندا وهو خلقك تجي دون على ان قال وقت تكري قال ثم ما هو après cela c'est quoi? Il a dit ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك, que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. C'est-à-dire qu'ils prennent ta part. Et ta part, ça ne prend pas personne. Ta part, personne ne va la prendre. Ni ton enfant, ni ta femme, ni ton père. Ce que Allah t'écrit comme risque, tu ne quitteras pas ce monde avant de l'avoir pris entièrement. Que tu aies un enfant ou une tribu entière, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Même plus tu auras, plutôt le contraire, n'âme. Astaghfirullah. Plus tu auras d'enfants, et plus elle va se donner le moyen de pouvoir les nourrir. Ça va avec. Comme le zawaj. Les gens pensent qu'en se mariant, on va devenir pauvre. Là, la femme, elle vient et son risque vient avec elle. Et pareil, les femmes qui ont peur de la polygamie parce qu'elles ont peur que la co-épouse, parce que le mari a moins d'argent, elle ne pourra pas avoir sa part. On dit là, cette co-épouse-là va venir et son risque avec. Et qu'elle soit là ou pas, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins que ce qu'elle t'a déjà prédestiné. Donc ça n'a rien d'empêcher quelqu'un d'avoir... Si ton mari ne pousse pas une deuxième, cette deuxième va mourir de faim sans lui, elle n'aura pas de faim. Donc elle va venir auprès de lui avec son risque. Et si jamais toi, tu, à tes yeux, tu vois que depuis qu'elle est là, t'as moi, c'est qu'elle a écrit que tu veux avoir moi. Elle ou pas elle. Tu vois. Donc, irtasib al-ajr. Irtasib al-ajr. patiente et assume la chose. Donc la peur du fakr, al-shaytan ya'adakum al-fakr, wa ya'murukum bil-fahsha. Le shaytan vous fait peur de la pauvreté, vous ordonne à la turpitude. La pauvreté, bien sûr, c'est une chose qui est pénible, qui est difficile, d'accord, et personne ne l'aide de façon générale. Mais elle a des bienfaits derrière, après il faut la force de les assumer. Et cette pauvreté, si elle t'est écrite, elle viendra, quoi que tu fasses. Tu pourras faire toutes les causes, si Allah a décrété que tu seras pauvre, et qu'il voit que c'est un bien pour toi, tu seras pauvre, ce sera un bien pour toi. Et s'il veut t'éprouver pour un mal que tu as fait par la pauvreté, il t'éprouvera par la pauvreté, quoi que tu fasses. Et la richesse, pareil, ça va ensemble. Donc le fait de tuer l'enfant, d'avorter, comme des femmes font, et autres, cela n'est pas permis. D'accord ? Ton enfant ne va rien te retirer de ta part, de ta dounia. Au contraire, sa venue sera une cause pour que tu aies de quoi lui donner. Et demain, des gens, ils veulent avoir tant ton enfant, je veux un enfant, deux enfants, trois enfants, taillés. Tes enfants, ils meurent tous, ça ne se fait personne. Ou demain, t'es grand, t'es âgé. Plus tu auras d'enfants, et plus tu auras le soutien, bismillah ta'ala, si tu les as bien éduqués. Mais ce n'est pas beaucoup. Attends, à moins d'opportunités d'avoir des enfants qui vont t'aider quand tu seras dans le besoin. Donc plus tu auras d'enfants, mieux c'est. Et ça rappelle pour toi. Anas bin Malik, il avait une descendance de 100 enfants. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik fi malihi wa awladi. Oh Allah, met la baraka dans son argent, on sait bien, dans sa progéniture. Et quand on dit 100 enfants, c'est pas 100 fils directs, avec les petits-enfants également. Une centaine de son vivant, il a eu. Et pourtant, et à la fin, il était riche. Et quand on dit riche, il avait les moyens de pouvoir nourrir tout le monde. De pouvoir nourrir tout le monde. Non. Fa hadha min amal al-jahiliya. Tuer les enfants par peur de pauvreté, c'est les actes de la jahiliya.